Est-ce que je serai un jour la star que je voulais? Est-ce que je serai un jour la star de la télé? Est-ce que je pourrai être invité? Est-ce que je pourrai y aller? Est-ce que je pourrai ne pas stresser? Est-ce que je serai bon ou mauvais? Est-ce que je serai aussi vite oublié? Est-ce qu'ils vont me critiquer? Est-ce que je pourrai répondre? Est-ce qu'ils vont me piéger? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Est-ce que je sais qui ils sont? Est-ce qu'au fond on dit la vérité? Est-ce qu'ils vont me blesser? Est-ce que je serai préparé? Est-ce qu'ils vont me courir la vie? Le blaireau qui ne pense qu'à sa promo, qui fera tout pour exister. Est-ce que vous pourrez m'aider, ou plutôt me désarmer? Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez, si vous savez? Est-ce que dans le doute est-ce que je suis intéressant ou bien cru et décevant?